L'affaire Rabot. Madame Rabot est morte, sauvagement assassinée chez elle. Son corps a été découvert mardi soir et l'arme du crime a été retrouvée. Un revolver. Qui a tué Madame Rabot? Comment identifier le coupable? Est-ce un dangereux criminel? Immédiatement après le drame, les policiers commencent une enquête. Quelle piste suivre? Heureusement, les enquêteurs découvrent un indice sur le lieu du crime. Une petite boucle d'oreille. D'homme ou de femme? Mystère. Quel est le mobile du meurtre? L'argent? Madame Rabot n'était pas riche. L'amour? Madame Rabot vivait seule et sans amant. Y a-t-il des témoins? Non. Personne n'a rien vu. Les voisins n'ont remarqué personne de louche. Y a-t-il eu une bagarre? Apparemment, Madame Rabot ne s'est pas défendue, mais le meurtrier a frappé sa victime avant de tirer sur elle. Les enquêteurs trouvent alors sur le compte en banque de Madame Rabot de grosses sommes d'argent versées par la société Cred. On a peut-être voulu voler à Madame Rabot son argent. Comment le voleur est-il entré chez elle, alors? Il n'y a pas de traces de cambriolage. Tout était en ordre dans l'appartement. Madame Rabot a ouvert la porte à son agresseur sans se méfier. Donc elle le connaissait et ne pensait pas qu'elle risquait sa vie, qu'elle pouvait être victime d'une agression et d'un vol.